Chapitre 15. Des beautés qui résultent d'un certain embarras de l'âme. Souvent la surprise vient à l'âme de ce qu'elle ne peut pas concilier, ce qu'elle voit avec ce qu'elle a vu. Il y a en Italie un grand lac qu'on appelle le lac Majeur, il Lago Maggiore. C'est une petite mer dont les bords ne montrent rien que de sauvage. À 15 000 dans le lac sont deux îles d'un quart de lieue de tour, qu'on appelle les Borromées, qui sont, à mon avis, le séjour du monde le plus enchanté. L'âme est étonnée de ce contraste romanesque, de rappeler avec plaisir les merveilles des romans, où, après avoir passé par des rochers et des pays arides, on se trouve dans un lieu fait pour les fées. Tous les contrastes nous frappent, parce que les choses en opposition se relèvent toutes les deux. Ainsi, lorsqu'un petit homme est auprès d'un grand, le petit fait paraître l'autre plus grand, et le grand fait paraître l'autre plus petit. Ces sortes de surprises font le plaisir que l'on trouve dans toutes les beautés d'opposition, dans toutes les antithèses et figures pareilles. Quand Fleurus dit « Sore et Algide », qui le croirait, nous ont été formidables. Satrique et Cornicule étaient des provinces. Nous rougissons des Boriliens et des Véruliens, mais nous en avons triomphé. Enfin, Tibur, notre faubourg. Prinestre, ou son nos maisons de plaisance, était le sujet des vœux que nous allions faire au Capitole. Cet auteur, dis-je, nous montre en même temps la grandeur de Rome et la petitesse de ses commencements, et l'étonnement porte sur ces deux choses. On peut remarquer ici combien est grande la différence des antithèses d'idées avec les antithèses d'expression. L'antithèse d'expression n'est pas cachée. Celle d'idées l'est. L'une a toujours le même habit, l'autre en change comme on veut. L'une est variée, l'autre non. Le même le Fleurus, en parlant des Samnites, dit que leurs villes furent tellement détruites qu'il est difficile de trouver à présent le sujet de 24 triomphes. Ut non facile apparaet materia quatuor, et viginti triomphorum. Et par les mêmes paroles qui marquent la destruction de ce peuple, il fait voir la grandeur de son courage et de son opiniâtreté. Lorsque nous voulons nous empêcher de rire, notre rire redouble à cause du contraste qui est entre la situation où nous sommes et celle où nous devrions être. De même, lorsque nous voyons dans un visage un grand défaut, comme par exemple un très grand nez, nous rions à cause que nous voyons que ce contraste avec les autres traits du visage ne doit pas être. Ainsi, les contrastes sont cause des défauts aussi bien que des beautés. Lorsque nous voyons qu'ils sont sans raison, qu'ils relèvent ou éclairent un autre défaut, ils sont les grands instruments de la laideur, laquelle, lorsqu'elle nous frappe subitement, peut exciter une certaine joie dans notre âme et nous faire rire. Si notre âme la regarde comme un malheur dans la personne qui la possède, elle peut exciter la pitié. Si elle la regarde avec l'idée de ce qui peut nous nuire, et avec une idée de comparaison avec ce qui a coutume de nous émouvoir et d'exciter nos désirs, elle la regarde avec un sentiment d'aversion. De même dans nos pensées, lorsqu'elles contiennent une opposition qui est contre le bon sens, lorsque cette opposition est commune et aisée à trouver, elles ne plaisent point et sont un défaut, parce qu'elles ne causent point de surprise. Et si au contraire elles sont trop recherchées, elles ne plaisent pas non plus. Il faut que dans un ouvrage on les sente, parce qu'elles y sont, et non pas parce qu'on a voulu les montrer. Car pour lors, la surprise ne tombe que sur la sottise de l'auteur. Une des choses qui nous plaît le plus, c'est le naïf. Mais c'est aussi le style le plus difficile à attraper. La raison en est qu'il est précisément entre le noble et le bas. Et il est si près du bas qu'il est très difficile de le côtoyer toujours sans y tomber. Les musiciens ont reconnu que la musique qui se chante le plus facilement est la plus difficile à composer. Preuve certaine que nos plaisirs et l'art qui nous les donnent, sont entre certaines limites. À voir les vers de Corneille si pompeux, et ceux de Racine si naturels, on ne devinerait pas que Corneille travaillait facilement, et Racine avec peine. Le bas est le sublime du peuple, qui aime avoir une chose faite pour lui, et qui est à sa portée. Les idées qui se présentent aux gens, qui sont bien élevés, et qui ont un grand esprit, sont ou naïves, ou nobles, ou sublimes. Lorsqu'une chose nous est montrée, avec des circonstances, ou des accessoires qui l'agrandissent, cela nous paraît noble. Cela se sent surtout dans les comparaisons où l'esprit doit toujours gagner et jamais perdre. Car elles doivent toujours ajouter quelque chose, faire voir la chose plus grande, ou s'il ne s'agit pas de grandeur, plus fine et plus délicate. Mais il faut bien se donner de garde de montrer à l'âme un rapport dans le bas, car elle se le serait caché si elle l'avait découvert. Comme il s'agit de montrer des choses fines, l'âme aime mieux voir comparer une manière à une manière. Une action à une action, qu'une chose à une chose. Comparer en général un homme courageux à un lion, une femme à un astre, un homme léger à un cerf, cela est aisé. Mais lorsque La Fontaine commence ainsi une de ses fables, entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Il compare les modifications de l'homme, du roi des animaux, avec les modifications de l'homme, d'un véritable roi. Michel-Ange est le maître pour donner de la noblesse à tous ses sujets. Dans son fameux Bacchus, il ne fait point comme les peintres de Flandre, qui nous montrent une figure tombante, et qui est, pour ainsi dire, en l'air. Cela serait indigne de la majesté d'un dieu. Il le peint ferme sur ses jambes, mais il lui donne si bien la gaieté de l'ivresse et le plaisir à voir couler la liqueur qu'il verse dans sa coupe qu'il n'y a rien de si admirable. Dans La Passion, qui est dans la galerie de Florence, il a peint la Vierge debout, qui regarde son fils crucifié, sans douleur, sans pitié, sans regret, sans larmes. Il la suppose instruite de ce grand mystère, et par là lui fait soutenir avec grandeur le spectacle de cette mort. Il n'y a point d'ouvrage de Michel-Ange où il n'ait mis quelque chose de noble. On trouve du grand dans ses ébauches même, comme dans ses vers que Virgile n'a point finis. Jules Romain, dans sa chambre des géants à Mantoue, où il a représenté Jupiter qui les foudroie, fait voir tous les dieux effrayés, mais Junon est auprès de Jupiter. Elle lui montre d'un air assuré un géant sur lequel il faut qu'il lance la foudre, par là. Il lui donne un air de grandeur que n'ont pas les autres dieux. Plus ils sont près de Jupiter, plus ils sont rassurés. Et cela est bien naturel, car dans une bataille, la frayeur cesse auprès de celui qui a de l'avantage.